France Culture, il est 16h. Tout de suite, Continent Science, Stéphane Déligeorges. J'ai toujours rêvé de connaître le futur, de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité. En ouverture de tous ces rendez-vous scientifiques tous les jours, maintenant dans cet horaire changé à 16h, Continent Science, bien sûr, toujours en direct du studio numéro 1 de la Maison de la Radio, de la Maison Ronde. Bonjour à tous, bonjour à toutes. À notre sommaire aujourd'hui, bien dans le cadre de notre partenariat avec la Société Mathématique de France, la Bibliothèque Nationale, la BNF, et j'en oublie, mais ça sera rectifié très très rapidement. Nous intéressons à un génie, un bricoleur, un immense monsieur, Claude Shannon, qui a donné des lois et qui, peut-être sans lui en tout cas... Il n'y aurait pas aujourd'hui de théorie de l'information. Il va falloir essayer de savoir ce que ça veut dire que l'information. Tiens. Mais pour pas changer, bien sûr, nos habitudes, la chronique animalière. Pour cette chronique animalière, aujourd'hui, je retiens les abeilles. Les abeilles et leurs mâles, les bourdons. Pourquoi ? Eh bien pour une raison que je dirais électromagnétique. Car les fleurs émettent un faible champ électrique qui signale aux insectes pollinisateurs la présence du nectar dans leur corolle. Quand un bourdon s'approche d'une fleur, on peut voir les grains de pollen sauter sur lui avant qu'il se pose sur la fleur. La chose est étonnante. Daniel Robert, un chercheur de l'université de Bristol, a découvert que ce phénomène est dû aux différences de potentiel électrique entre la plante, bien sûr, et l'insecte. Le bourdon est chargé positivement, alors que la fleur émet un faible champ électrique qui lui est chargé négativement. Certes, les charges d'électricité statique sont faibles, avec des tensions de 30 volts, mais c'est suffisant pour installer une forme de communication entre la fleur et l'abeille, ou le bourdon. Ainsi, les fleurs ne disposent pas seulement des odeurs, des couleurs et des formes pour attirer les insectes pollinisateurs. L'électricité entre aussi en jeu. En effet, quand une fleur, moins, reçoit la visite d'un bourdon, plus, pour aspirer son nectar, elle perd automatiquement une bonne partie de sa charge électrique. Cette dernière, la charge électrique, fonctionne donc comme un signal que la fleur donne au bourdon. Si elle est chargée électriquement, cela signifie que la fleur a du nectar. Sinon, qu'elle n'en a plus et que le bourdon ne doit pas la visiter. La fleur ne peut pas décevoir les insectes. Elle a intérêt à ne pas mentir. C'est notre hypothèse, explique Daniel Robert. Son équipe a fait toute une série d'expériences pour arriver à cette conclusion. C'est donc un champ entièrement nouveau qu'il défriche. Ils ont d'ailleurs mesuré les transferts de charge entre les bourdons et les pétunias lors du butinage, les bourdons et les pétunias. Ils ont construit une petite boîte de Faraday pour mesurer la charge électrique des bourdons, autour de 200 volts en moyenne. Ces derniers, les bourdons toujours, se chargent positivement en vol en entrant en contact avec les poussières. Ils ont réalisé aussi des tests avec des fleurs artificielles, mais contenant de l'eau sucrée, plus ou moins chargée électriquement, et cela grâce à des électrodes miniatures. Ils ont pu ainsi vérifier que lorsque les bourdons jouent, ils ne se posent que sur les fleurs ayant un champ électrique. Ils ne visitent pas celles n'ayant aucune charge électrique ou une charge très faible, ne dépassant pas 10 volts, même si elles ont de l'eau sucrée dans leur corolle. Leur découverte pose beaucoup de questions sans doute, car il n'est pas rare de voir certains insectes pollinisateurs se succéder sur la même fleur. La durée de restauration du potentiel électrique varie d'une espèce végétale à l'autre et on ne sait pas si elle coïncide avec la production de nouveaux nectars. Certaines espèces délivrent de toutes petites quantités de nectar et sont ainsi visitées par beaucoup d'insectes, ce qui, bien sûr, encore une fois, assure une meilleure pollinisation. D'autres, au contraire, fournissent beaucoup de nectar, ce qui suffit à rassasier une abeille en un seul passage. À chacun, pour les fleurs, sa stratégie capricieuse. Bonjour Jocelyn Garnier. Bonjour. Bonjour Martin Andler. Bonjour Stéphane. Alors on va peut-être finir ce que je n'ai pas terminé de dire dans notre organisation de partenariat avec vous. Il y a aussi l'association Animate pour faire venir des lycéens et puis le magazine Tangente pour faire un article destiné à un assez grand public sur le sujet de la conférence. Alors disons-le tout de suite, votre présence là, Jocelyn Garnier, est une sorte d'habitude que nous avons pris pour anticiper la réunion qui se tient le mercredi, et ces réunions qui ont un très très grand succès, on peut le dire maintenant, après toutes ces années, et c'est une belle occasion pour nous, en fait, belle découverte à chaque fois que d'être partenaire, et cette fois, ben, c'est Shannon. Alors Shannon, c'est... un jongleur. On peut commencer comme ça. On peut le décrire comme ça, un jongleur, bricoleur, touche à tout, mais aussi mathématicien, puisqu'il nous a laissé des théories mathématiques tout à fait remarquables, donc qui datent, on peut les dater grosso modo des années 40 et un petit peu des années 50, et ces théories mathématiques ont pris toute leur expression, toute leur puissance, disons, durant les 20 dernières années, où nous vivons une révolution numérique. Bien sûr, bien sûr. On passe tout au numérique. La semaine dernière, par exemple, on a dû changer nos décodeurs TNT, télévision numérique terrestre, et ça, c'est à cause de Claude Shannon. Voilà. Alors ça lui est venu très tôt, c'est un détail qui est d'importance. C'est quelqu'un qui a une espèce de curiosité. Il me fait penser à Feynman par certains côtés, comme bricoleur. Feynman, c'était à Brooklyn, je crois, fait un poste à Galen, il se fait une petite radio. Lui, Shannon, il fait tout autre chose. Il regarde très très attentivement, avec beaucoup de minutie, les fils de fer barbelés. Oui. Parce qu'il y a évidemment la claustration des grands propriétaires. Ça a d'ailleurs été un très très grand mouvement et un grand conflit que cette enclosure dans l'histoire américaine. Les grands propriétaires terriens contre les propriétaires nomades avec des grands espaces sans contrainte. Et lui, Shannon regarde, et il arrive même à faire, à partir de là, une sorte de téléphone avec... Une sorte de télégraphe. Voilà. Il construit un télégraphe pour discuter avec un ami qui habite dans la ferme voisine, ce qui représente à peu près un mile, enfin plus un kilomètre, disons. Et oui, effectivement, il bricole un télégraphe pour juste discuter avec ses amis. Il fait tout un tas d'opérations de ce genre. Il bricole aussi un petit bateau radiocommandé. Donc voilà, dès son plus jeune âge, c'est un touche-à-tout. Il veut construire et bâtir des choses. Alors, dernier détail d'ailleurs pour être rapidement complet, à cette époque c'est plus de 1 500 000 km de fer barbelé qui sont plantés, et donc c'est vraiment un réseau là, si on peut dire, d'évidence en tout cas, hein. Et puis certains même les utiliseront en mettant des isolants et feront là carrément du téléphone, hein, oui, exactement. Après. Alors, poursuivons dans cette biographie, évidemment, très vite on va voir qu'il a quand même... d'immense qualité. Il va rentrer à l'université du Michigan, c'est en 32, et là il va se passionner pour ce qu'on appelle le cerveau mécanique, c'est-à-dire un analyseur différentiel. Oui, c'est cela. Donc il est né en 1916, donc on peut dire qu'il rentre à l'université déjà assez jeune, à 16 ans. Donc à l'université du Michigan même, il passe deux licences, une en mathématiques, une en ingénierie, alors comme disent les Américains, en ingénierie électrique. Et c'est à l'issue de cela qu'il part à Boston, au MIT, et à Boston, il travaille sur un master, et à la fin du master, comme tout master, il y a un stage de master, il le passe dans un laboratoire qui effectivement développe un précurseur d'ordinateur qu'on appelle un analyseur digital. Et c'est là qu'il découvre vraiment des choses qu'il passionne, et ça va être même le sujet de son premier travail remarquable, son mémoire de master. Alors, on peut peut-être déjà s'arrêter sur son premier diplôme, sa première avant-thèse. Sur quoi porte-t-elle ? Alors, ça s'appelle, si je me souviens bien, une analyse symbolique des circuits à relais et commutations. Donc, on voit très bien que là, c'est programmatique, hein, d'une certaine façon. Donc là, c'est exactement ce qu'on lui demande de faire lors de ce stage de master. Il y a cet analyseur digital, qui est une sorte d'ordinateur, mais pas très facile à manipuler. C'est gros, c'est lourd, il y a besoin de beaucoup de bras pour rentrer un programme dans cet analyseur digital, il y a tout un tas de manipulations, d'activations de commutateurs à faire. Et on lui demande de rentrer un petit programme. Donc, il faut le faire manuellement. Et là, Shannon réalise que vraiment tout ça, c'est un petit peu de la cuisine, en quelque sorte. Oui. Et en fait, il invente pour la première fois une méthode systématique de programmation de cette classe d'ordinateur. Et c'est le sujet de son mémoire de master. Il montre que, en fait, tout le programme qu'on peut rentrer sur ce genre d'ordinateur peut se décomposer en des opérations élémentaires dans le cadre de la logique booléenne. Donc ça, c'est des choses qu'on connaît depuis le milieu du 19e siècle. On va expliquer, on va rentrer dans le détail plus tard. Et puis que toutes ces opérations booléennes, en fait, ont des équivalents en termes de montage de très, très simple de circuits électriques, des montages en parallèle et en série de circuits d'interrupteurs. Et il montre donc une méthode systématique pour, quand on lui confie un programme, mettre au point le circuit électrique qui va réaliser ce programme. C'est-à-dire, en somme, ce qu'on va voir, c'est un peu le fil rouge, on va voir un squelette abstrait qui est le formalisme logico-mathématique. Exactement. Appliqué à n'importe quel support, à n'importe quel médium, oui. À n'importe quel réseau de médias. Alors d'abord, cet analyseur différentiel, c'était des équations difficiles à faire, hein, des équations différentielles de deuxième ordre, donc des équations d'équations. Hein. Exactement. L'inconnu est une fonction qui satisfait elle-même une équation. Oui. Et alors, l'étonnement suivant tient au motif, au sujet, au thème de son autre travail qui va suivre. Alors là, il fait quelque chose de tout à fait étonnant, qui m'a surpris en me plongeant. D'ailleurs, dans un livre que je recommande, celui de James Gleick, qui s'intitule tout simplement L'Information, qui est publié aux éditions Cassini. C'est un ouvrage... vous en direz peut-être un mot, Martin Andler, puisque vous l'avez lu, vous aussi, vous avez commencé à nous lire. Et il se tourne vers la génétique. Oui. Il fait de la génétique formelle. Il fait de la génétique formelle. Il essaye d'appliquer ses idées de formalisation abstraite, mathématique, d'un certain problème. Alors ici, c'est la génétique, mais la génétique vue à l'époque, c'est-à-dire avec les lois de Mendel. Oui. Il développe toute une manière, toute une algèbre, tout un calcul qui permet de faire des prédictions sur l'évolution génétique d'une population. Donc c'est une thèse remarquable, à ceci près qu'il lui manque quand même un élément inconnu à l'époque, qui est l'ADN. Bien sûr. Bon, il n'a pas ces unités discrètes qu'on trouvera plus tard et qui sont l'alphabet des quatre bases que l'on connaît bien. Il n'empêche que le processus formel reste à peu près le même. Le processus reste le même. Et là encore, c'est tout à fait étonnant parce que il est dans une situation de préfigurateur de ce que seront la dynamique des populations, c'est-à-dire la biologie des populations. Hein, exactement. C'est curieux d'ailleurs, toute petite remarque, par deux fois, des matheux font des apports importants. On peut penser à Fischer, hein, connu pour son célèbre théorème en théorie de l'évolution. Et là, il fait son petit détour par la génétique. C'est à souligner quand même. Oui, c'est à souligner. Donc c'est sa thèse qu'il soutient en 40, donc juste avant la guerre, donc qui marque effectivement une nouvelle idée de Shannon dans un nouveau cadre, mais avec toujours cette même idée de prendre suffisamment de recul, proposer un formalisme mathématique qui permet d'éclairer et de trivialiser en quelque sorte un problème difficile. Alors, on a dit jongleur, on a dit... On va voir très vite qu'il va se retrouver à un moment en compagnie. Alors il faut dire quand même aussi, parce que ce sont des noms pour ceux qui les connaissent, qu'il a comme tuteur Hermann Weyl, oui. Excusé du peu d'une certaine manière, immense mathématicien bien sûr, et qu'il va rencontrer Alan Turing. Ils vont pas pouvoir échanger sur ce qu'ils travaillent réciproquement, puisque c'est secret défense. Exactement, c'est pendant la guerre, chacun a été réquisitionné, on ne dit pas réquisitionné, chacun a été enrôlé pour travailler sur des problèmes de cryptographie. Et Turing visite pendant 2 mois l'endroit où travaille Shannon, c'est-à-dire les laboratoires Bell. Effectivement, ils n'ont pas le droit de parler de ce sur quoi ils travaillent, mais néanmoins, ils discutent entre eux pendant les pauses café de ce qu'ils ont envie de faire. Donc, Turing décrit sa machine. La machine de Turing, le squelette universel de l'ordinateur. Et Shannon commence à discuter un petit peu ses idées sur la théorie de l'information. Qu'est-ce que c'est que l'information? Et donc ça, c'est ce qui va donner suite à son travail principal quelques années plus tard. Alors il y a une chose aussi qu'il faut rajouter, c'est qu'évidemment il y a un problème important qui est la balistique. Et donc les canons antiaériens sont devant une grande difficulté qu'on peut résumer par le fait suivant, c'est que jusqu'ici on utilisait avant par exemple l'artillerie les polytechniciens pour faire des calculs balistiques, simplement c'était de tirer d'un point fixe sur un point fixe la plupart du temps. Or là maintenant, il y a des marges d'erreur considérables puisque les véhicules, les cibles elles-mêmes vont aussi vite que les projectiles qu'on veut leur lancer. Les avions, oui. Voilà, c'est ça. Ce sont des avions. Et donc, il faut absolument que on puisse avoir des corrections de trajectoire. Et donc là, on va dire le mot qu'on va mobiliser beaucoup dans la suite de notre propos. Donc, une automatisation pour réguler les marges d'erreur. Oui, exactement. Donc là, c'est effectivement le premier sujet sur lequel travaille Shannon durant la guerre. C'est la première tâche qu'on lui confie. On lui confie aussi des tâches de cryptographie, comme on l'a souligné tout à l'heure. Mais c'est effectivement la première tâche, ces calculs délicats de suivi de trajectoire qui réclament effectivement la prise en compte des erreurs inévitables qu'on peut faire dans les observations et qu'il s'agit de corriger au fur et à mesure. Donc c'est la science appliquée aux militaires, là, cette fois, et il ne sera pas le seul dans ce moment terrible de cette seconde guerre mondiale, en tout cas. Donc, il va travailler, et quand ça ne sera plus classé défense, bien évidemment, après la guerre, il va y avoir une similitude extrême entre certains de ces calculs, qui étaient donc tout à fait secrets, ces schémas, et son travail, là, purement théorique, et qu'on peut rendre public. C'est tout à fait étonnant. Le rapport secret-défense principal qu'il a écrit sur la cryptographie, donc qui s'appelle une théorie générale de la cryptographie, on va dire, a été déclassifié bien des années après. Et cependant, il y a une petite remarque très inhabituelle qu'on peut faire sur ce rapport, c'est qu'il y a une petite note de bas de page dans ce rapport, dans laquelle Shannon écrit... C'est vraiment surprenant dans un rapport secret défense qui va publier ses résultats sous la forme d'une théorie qui parle d'information. Et on le laisse faire. C'est-à-dire qu'il l'écrit noir sur blanc dans un rapport secret défense. Et quelques années après, en fait, il reprend toutes ses idées dans son papier principal qui sera publié en 48, alors que le rapport secret défense, lui, ne sera complètement déclassifié que dans les années 80. Ouais, c'est paradoxal parce que là, évidemment, on va mobiliser sa découverte, puisqu'on peut dire qu'avec lui s'invente, se trouve, se développe la théorie de l'information. La théorie de l'information telle que nous l'utilisons aujourd'hui, que ça soit dans le domaine de la communication, même dans d'autres domaines, cette théorie a vraiment percolé en linguistique, en génétique, en biologie. Bien sûr. À l'époque, il développe d'abord cette théorie de l'information pour les communications. France Culture, Continent Science, Stéphane Delisgeorges. Petite remarque, Martin Andler, niveau. Il faut peut-être aussi, parmi les influences importantes, il faut parler de Wiener. Oui, il viendra après, ou ils sont parallèles à un moment. Connu Wiener qui était professeur à MIT. Puis il faut aussi parler de von Neumann, mais on en parlera aussi après, parce qu'il a été... En tout cas, on peut dire qui c'est. Von Neumann, oui. C'est Hongrois. Hongrois, un génie, peut-être le génie, le seul scientifique dont Einstein avait vraiment peur. Parce qu'il était tellement rapide, qu'il était tellement génial, qu'il a fait des travaux d'abord en logique, puis en mathématiques pures, en théorie... En mécanique quantique, sur les fondements. En formalisation de la mécanique quantique, et puis ensuite il est devenu un faucon. Il s'est préoccupé d'applications des mathématiques au nucléaire, et c'était un homme très, très engagé dans le complexe militaro-industriel. Il est mort assez jeune, il est mort en 55 ou 56, et c'était un génie absolument prodigieux, pas forcément un très bon vivant, et qui a eu une influence scientifique très très considérable. Et ça, on va le revoir, parce dans ce qu'a fait Shannon sur l'information, il y a des idées qui viennent de la physique, et c'est certainement von Neumann qui a joué un rôle. Oui, on peut dire que celui qui lui a succédé, mais il était déjà pendant le projet Manhattan, c'est, voilà que son nom m'échappe, juste à l'instant où j'allais le dire, Teller, dont j'oublie le prénom, qui lui aussi était un faucon terrible, et qui lui alors a été quasiment le pré-promoteur de la guerre des étoiles. Et donc, il partage d'ailleurs les de choses, puisqu'on dit souvent que Oppenheimer était pour la bombe A, parce que évidemment il craignait le nazisme, et que Teller et von Neumann, eux, c'était le totalitarisme stalinien. Passons. Alors, on peut peut-être là, et vous y tenez, semble-t-il, Jocelyn Garnier, à faire rapidement un petit panorama de la question des ingénieurs, ou plus exactement les difficultés, le travail des ingénieurs en termes de communication, puisque de là, tout va arriver, c'est-à-dire que le télégraphe est là, le téléphone, c'est parti, il y en a partout, la radio, la télévision, c'est dans ses linéaments, bref. Alors, pourquoi un tableau est-il là nécessaire? Nécessaire, c'est juste pour décrire en quelque sorte l'état de l'art du sujet. Effectivement, les problèmes de communication se posent de manière cruciale à cette époque, avec tous les médias que vous avez cités. Et en fait, on s'aperçoit, et c'est une tendance assez naturelle dans les sciences et techniques, qu'on observe une spécialisation de plus en plus poussée. C'est-à-dire que vous avez des groupes d'ingénieurs scientifiques qui travaillent sur le téléphone, des groupes qui travaillent sur la télévision, etc. Et en fait, là, on obtient, en fait, avec l'arrivée de Shannon, un des intérêts principaux des mathématiciens, c'est d'être capable de prendre suffisamment de recul et de pouvoir dire, écoutez... vous travaillez tous sur le même problème, en quelque sorte. Il y a moyen d'unifier tous les problèmes et de trouver une solution qui va pouvoir s'appliquer à tous vos problèmes. Donc ça, je pense que c'est quand même important. C'est un mouvement de balancement qu'on observe toujours dans les sciences, entre spécialisation et universalisation. Et là, la théorie de l'information de Shannon a vraiment été un moment où les mathématiques ont pu universaliser en fait certaines questions qui apparaissaient bassement terre à terre et purement techniques. Alors on va retenir deux choses. On va d'abord peut-être, si vous le voulez, commencer par nous emparer de l'exemple du mouvement brownien, qui était donc l'un des cinq articles de l'année miracle 1905 concernant Albert Einstein. On va en dire évidemment un mot, puisqu'il introduit quelque chose d'absolument essentiel en théorie de la communication, d'une certaine manière. Et puis, aussi, ne pas passer ensuite, très rapidement, pour décrire le schéma, à ce coup de génie. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui est sous-jacent à tout ça? C'est que, quel que soit le matériel considéré, il a décidé dans son formalisme, et il a trouvé, et il a inventé cette manière de faire, Claude Shannon, c'est d'appliquer les mathématiques et l'algèbre de Boole, c'est-à-dire la logique mathématique, la logique des propositions, aux manières de calculer ce que c'est que un relais, un réseau d'informations. Alors prenons le mouvement brownien d'abord, puisqu'il va nous conduire à une espèce de bruit irréductible, d'une certaine façon. Oui, qu'on doit retenir pour aller vite? En quelque sorte, si on veut faire le lien avec la théorie de la communication, tous les ingénieurs savent bien que le problème limitant principal de tous ces moyens de communication, c'est le bruit. Il y a toujours un bruit de fond qui vient s'ajouter sur tous les signaux, que ça soit un signal téléphonique où on peut entendre un petit grésillement. Ça, c'était du temps des communications analogiques. Oui. La télévision, de même, du temps de la télévision analogique, on voyait de la neige sur les postes de télévision. Donc, encore une fois, ça, c'était du temps de la télévision analogique. Oui. Donc, vous avez un bruit inhérent à tout moyen de communication. Et en fait, si on veut l'appréhender, si on veut le maîtriser, il s'agit de le décrire, de le décrire mathématiquement. Comment décrire le bruit? Qu'est-ce que c'est que le bruit? Un signal parasite. Et là, sans doute que c'est Wiener qui explique cela à Shannon, que la théorie des probabilités, en fait, est le bon outil pour modéliser le bruit et dire qu'un bruit, en fait, c'est un processus stochastique, le plus important d'entre eux étant le mouvement brownien, introduit en particulier en 1905. Einstein. Ce qu'on peut dire dans la conclusion, c'est que ce mouvement, évidemment, tout d'abord, puisqu'il s'agissait de graines de pollen, ça pouvait être, on fait l'hypothèse, ça n'arrête pas de s'agiter, c'est-à-dire le liquide sur lequel, à la surface duquel sont posés des grains de pollen, bouge tout le temps, connaît des tourbillons, et Brown va utiliser, pour voir si c'est pas, il n'y a pas de quelque animalité ou quelque moteur de motilité à l'intérieur de ces graines, et bien pas du tout, il prend du charbon, et quel que soit le produit, ça bouge. Qu'est-ce à dire? Eh bien, d'un seul coup, ça confirme, c'est ça, l'extraordinaire travail très difficile du point de vue, semble-t-il, mathématique d'Einstein, c'est de dire que c'est simplement là, l'agitation moléculaire permanente, sous-jacente, c'est relié à la thermodynamique, et que il doit toujours et sans cesse il y avoir une espèce de mouvement, un brassement. Et que, quel que soit d'ailleurs, et ça marche avec les électrons, puisque ce sont en définitive les électrons, eh bien, quel que soit le canal par lequel on fait passer le câble, le fil, ce qu'on veut, il y aura toujours, de façon irrémédiable, ce bruit de fond. Oui, qui est l'entrechoc des atomes. Exactement. Libres. Les collisions les entre libres. Toutes les particules, donc là, en l'occurrence, des électrons. Cette accumulation de chocs fait que l'électron ne se propage pas exactement en ligne droite sans déformation. Il suit une trajectoire dite brownienne, cette trajectoire irrégulière. Donc on peut le forcer à aller dans une certaine direction avec un gradient de potentiel, mais il va quand même subir ces chocs et donc avoir une trajectoire un petit peu erratique qui fait que un signal électrique ou électromagnétique qu'on utilise pour transmettre de l'information va fatalement se retrouver corrompu, tordu. Oui, c'est ça. Oui. Et donc, c'est parasité. C'est parasité, exactement. Ouais. Et donc, ces parasites doivent être pris en compte dans une théorie de l'information, une théorie de la communication. Alors, vous commencez à un moment dans votre conférence que vous allez donner mercredi prochain. Vous commencez évidemment à faire le distinguo avec le téléphone où on voit très très bien. On va décrire le schéma de toute façon universel cette fois, mais de l'analogique et du numérique. Comment est-ce que on peut définir de la façon, on va dire avec des mots, il y aura évidemment plus de facilité si on peut avoir les schémas, mais tout part d'abord d'un premier poste, celui qui est l'initiateur de l'envoi du message. Oui, donc Shannon propose une modélisation de ce que c'est qu'un système de transmission, donc qui part d'une source et qui va jusqu'à un destinataire. La source veut envoyer une information au destinataire. Et il propose un schéma extrêmement simple pour dire que tous les moyens de transmission, tous les systèmes de transmission ont la même structure. Bon, par exemple, ce que je fais en ce moment, je veux transmettre de l'information à nos auditeurs. Donc, comment est-ce que ça se passe? Je parle, donc ma voix est captée par un microphone. Le microphone transforme ce message vocal en un courant électrique qui parcourt un câble, qui va aller jusqu'à une antenne émettrice. Cette antenne émet une onde, un signal électromagnétique qui se propage à la vitesse de la lumière, très très vite, jusqu'au poste de radio de nos auditeurs. Et le poste de radio fait l'opération inverse. Il prend signal électromagnétique, il le transforme en un courant électrique qui est envoyé sur un haut-parleur qui restitue le message analogique, c'est-à-dire ce que je suis en train de dire, le message vocal que je suis en train de prononcer. Voilà, en ce moment. Et en fait, tout système de transmission fonctionne, de transmission d'information, fonctionne sur ce principe. Une source, un encodeur, un canal, un décodeur, Et un récepteur. Notre auditeur qui est donc en train d'écouter Jocelyn Garnier. Alors, maintenant on rentre plus dans le détail, le coup de force, le coup magique, le coup malin d'une certaine manière, c'est qu'il va y avoir, ce qu'on va dire pour être compréhensible, une extraordinaire simplification. C'est-à-dire que tout va se jouer sur deux unités seulement. C'est-à-dire que évidemment le mot digit, le mot byte, bit. Bit, hein, va être inventé. Le point, c'est-à-dire le point exact, c'est 1 ou 0. Exactement. Et tout va se faire avec 1 et 0. C'est la grande idée de Shannon, c'est de prononcer cette assertion qu'il faut passer numérique, c'est-à-dire qu'il faut tout transformer ensuite de 0 et de 1. Or, d'où lui vient cette idée? En fait, le problème qui se posait, c'était donc d'optimiser la capacité de transmission de tous ces moyens de transmission. Parce que quand je dis ma voix est transformée en un signal électromagnétique, il y a 36 000 manières de faire ça. On peut faire des modulations d'amplitude, des modulations de phase, des modulations de fréquence. Il y a 36 000 manières. Les ingénieurs le savent bien qu'il y a 36 000 façons de faire. Et nous sommes dans la modulation de fréquence. Ici, nous sommes dans la modulation de fréquence. Donc, laquelle est la plus pertinente, laquelle est la plus efficace pour être le plus robuste au bruit et pour avoir une vitesse de transmission, une capacité de transmission la plus grande possible? Pour pouvoir répondre à cette question, ce que dit Shannon, c'est que il va falloir faire du calcul quantitatif, et donc il va falloir mesurer l'information. va falloir mesurer ce que c'est qu'une quantité d'information. Donc, quand on veut faire des mesures, la première chose qu'on veut, c'est trouver une unité. On ne va pas mesurer l'information en mètres ou en kilos, ce n'est pas les bonnes unités. Donc, en quelle unité va-t-on mesurer l'information? Donc, c'est là que Shannon développe en fait sa théorie en disant, bon, ok, la situation est la suivante, il y a une source, un récepteur, la source va envoyer un message au récepteur. La situation la plus simple possible, c'est celle où le récepteur attend juste une réponse de type oui-non à une question. C'est la situation la plus simple. Si vous n'avez, c'est la situation où vous attendez deux réponses possibles. S'il n'y a qu'une réponse possible, le fait que je vous la transmette, ce n'est pas vraiment une information, vous la connaissiez déjà, il n'y a qu'une réponse possible. Donc le minimum, c'est deux réponses possibles. Et à ce moment-là, si vous attendez deux réponses possibles, oui, non, vrai, faux, à une certaine question, le fait que la source vous transmette la réponse, soit oui, soit non, vous donne un élément d'information qui est l'unité d'information. Donc c'est une information binaire, et donc Shannon appelle cette unité d'information bit, binary digit, donc le fameux mot. Donc c'est dans son papier de 1948 qu'apparaît pour la première fois le mot bit. C'est dans ce papier-là qu'on le trouve. Et une fois qu'on a l'unité, bon, ok, à ce moment-là, on peut commencer à faire des mesures. Alors qu'est-ce que c'est que la quantité d'information contenue dans un message arbitraire, un message vocal, une photo, une vidéo? Bah, c'est le nombre de bits qu'il faut pour décrire cette information, ce message. Le nombre de bits, alors je devrais être plus précis, je devrais dire le nombre minimal de bits qu'il faut pour décrire ce message. Ou comme les mathématiciens bien le dire, le nombre nécessaire et suffisant qu'il faut pour décrire le message. Bon, effectivement, ça donne effectivement un moyen de mesure quantitatif. Et grâce à ce moyen de mesure d'information quantitatif, on peut se lancer dans les calculs, dans l'optimisation, et répondre enfin aux questions qui intéressent les ingénieurs. Comment transmettre de manière la plus efficace possible un message? Réponse de Shannon, il faut le transformer en un message binaire, une suite de 0 et de 1, avec exactement le nombre minimal de bits qu'il faut pour représenter le signal, et c'est ça qu'il faut transmettre dans le canal de transmission. C'est ce qu'il y a de plus efficace en termes de vitesse de transmission, c'est ce qu'il y a de plus efficace en termes de robustesse par rapport au bruit. Alors il y a une, évidemment intuitivement, quand on parle d'information, on y rajoute quelque chose, c'est-à-dire qu'on pense tout le temps à la sémantique, c'est-à-dire au contenu. Là on n'est pas du tout dans cette acception du terme, hein. Il faut être précis. Et pour continuer, en utilisant donc ça, évidemment il y a des relais, quand on peut prendre cette idée, quand on a un circuit de communication, et ces relais peuvent dire « j'ouvre le passage » ou « je le ferme », on voit que ça se complique, et c'est à cet endroit des relais que vont jouer, grosso modo, et de façon très formelle, ce qu'il emprunte, c'est-à-dire ce qu'on appelle les foncteurs ou les connecteurs logiques, qui donc, là, sont un symbolisme très abstrait qui permet de faire ce qu'on appelle une algèbre de Boole, c'est-à-dire de jouer du calcul des propositions qu'on apprend. Donc c'est la logique de premier ordre quand on apprend cette logique-là, et qui donc est appliquée, quel que soit d'ailleurs, c'est compliqué, c'est très troublant, quelle que soit la nature du médium. Quelle que soit la nature du message, qui peut être un texte, c'est ça. Une conversation téléphonique, un film, une photo, ah. Quel que soit le médium, donc qui peut être un câble électrique, une fibre optique, l'air, l'atmosphère, le vide. Le vide, c'est un médium de communication. On peut envoyer des ondes électromagnétiques à travers le vide. Quand on envoie des sondes spatiales à l'autre bout du système solaire, ils prennent des photos. Ces photos sont ensuite numérisées, transmises par ondes électromagnétiques jusqu'à la Terre, et on reproduit les photos, on a des splendides images. Effectivement, tout se met sous forme binaire, et aujourd'hui, effectivement, nous vivons en plein cette révolution numérique où nous exprimons tout, à la fois les transmissions et aussi les capacités de stockage en bits. Quand vous vous adressez à un fournisseur Internet, ce qu'il vous vend, c'est un certain nombre de bits par seconde ou de mégabits par seconde. C'est ça sa marchandise. Il vous garantit cette chose. Il vous garantit ça et il vous dit, je peux vous transmettre n'importe quoi, des films, du téléphone, 3G, 5G, de la télé. Tout ça, en fait, ça va être encodé sous forme binaire, sous forme de suite de 0 et de 1. Et quand ce message binaire arrive à votre boîte Internet chez vous, bah, la boîte a la charge de reconnaître que c'est un film, une vidéo, une conversation téléphonique, et la boîte restitue ce message à partir de donc cet envoi de messages binaires. Voilà, allègrement passé le mi-temps. Malheureusement, encore une fois, tellement le sujet est riche et beau de ce rendez-vous de Continent Science dévolu à monsieur Claude Shannon et avec l'invention de la théorie de l'évolution, bien sûr. De la communication. Et vous voyez que je finis par me mélanger les pinceaux dans le schéma de l'information. Alors, vous avez un étonnement. Vous êtes un sage, mais il reste encore, Martin Handler, des choses qui vous étonnent. Et en particulier, que l'on puisse tenir dans sa main, ou plus exactement, dans une photo, un livre. Ah oui, si vous... Une image, un livre. Un des trucs géniaux dans ce qu'a fait Shannon, bien avant la révolution numérique, parce que la révolution numérique, elle n'existait pas. Tout était analogique, donc ça n'existait pas. Donc lui, c'est vraiment un effort d'imagination conceptuelle. Il a dit, on va pouvoir représenter n'importe quel type d'information de la même manière avec des zéros et des 1. Alors maintenant, nous, ça nous est familier, puisqu'on envoie des pièces jointes à nos copains et on sait la taille, on sait que si le fichier est trop gros, il passe pas. Or, on sait tous qu'une photo, ça pèse très lourd et un texte, ça pèse pas lourd du tout. Et en fait, on a une mesure, c'est qu'un texte, un bouquin de 250 pages, c'est à peu près 600 kilo-octets et c'est à peu près une photo correcte. Et ça fait réfléchir, parce que un texte, 250 pages de philo ou d'un roman de Balzac ou je sais pas quoi, c'est la même chose qu'une photo, ça fait vraiment réfléchir. Et c'est peut-être, que ça veut dire qu'une photo contient beaucoup, beaucoup d'informations et que c'est peut-être pour ça aussi que la photo donne beaucoup d'émotions parce que c'est, c'est des élucubrations et justement la théorie de la communication de Shannon consiste à éliminer absolument tout le contenu sémantique. Ça. Donc je m'égare. Mais et de ne pas se préoccuper d'une quelconque libido numérique ou d'une libido scopique en tout cas. Ce que je vous propose, avant de poursuivre, Jocelyn Garnier, c'est de faire référence à une conversation qu'a eu Shannon avec, par exemple, Margaret Mead. C'est-à-dire que, justement, ils étaient encore en phase, que devient le sens? Alors, c'est simple, voilà le schéma de l'abstraction que je propose et qui est à peu près établi de cette manière dans le livre de James Gleick. C'est que, évidemment, quand vous entendez, vous, humain, un message, et qui est passé par des ondes sonores, c'est-à-dire la vibration d'une onde, d'un mouvement de déplacement d'énergie, mais il faut un support, donc il faut des molécules, puisque le son ne se répand pas et ne se propage pas dans le vide. Ça vous arrive, et vous avez un appareillage bien particulier, vous êtes le récepteur, et vous avez une boîte particulière qui est la compréhension de ce signal totalement abstrait, sans référent aucun, avec une sémantique. Et vous comprenez, si je vous dis « bonjour, Jocelyn Garnier », à ce moment-là apparaît la sémantique. Ce qui intéresse Shannon, c'est tout ce qu'il y a avant et ce qu'il supporte. Est-ce qu'on peut dire des choses comme ça ? Oui, on peut dire qu'effectivement, et Shannon, dès son article fondateur, souligne bien que dans sa théorie de l'information, la notion de sens n'est pas du tout la notion centrale. La notion centrale, c'est bien la notion de quantité d'information, c'est-à-dire le message que vous envoie, c'est un message possible parmi un certain nombre de messages qui étaient possibles a priori. Et un message informatif, sa quantité d'information est mesurée par le fait qu'on passe d'un ensemble de messages possibles astronomiques à juste un seul, une seule réalisation. Donc plus il y avait de messages possibles a priori, et plus le message que je vous envoie, qui fixe cette incertitude, devient grand. Alors, une chose qui trouble beaucoup, et c'est maintenant qu'il faut l'introduire, c'est les probabilités. Parce qu'à un moment, évidemment, elles sont là, les probabilités, c'est très étonnant. Dès le bit que l'on attend, dès qu'on attend ce byte-là, cette unité, elle peut être comme pile ou face. Comme la face et la verre d'une pièce. Donc, il y a déjà, ça va tomber côté pile, ça va tomber du côté face, donc il y a une probabilité d'un demi. Exactement, donc là quand j'ai décrit l'invention du bit par Shannon, cette unité d'information, j'ai un petit peu simplifié les choses, je vous ai dit vous attendez deux réponses possibles, et l'unité d'information c'est celle qui correspond au fait que a priori vous n'avez strictement aucune idée de quelle réponse est la plus vraisemblable, donc il y a une chance sur deux, et quand il y a une chance sur deux que chaque réponse soit obtenue, le fait que je vous donne l'information que c'est finalement soit A, soit B, soit oui, soit non, soit vrai, soit faux, ça compte pour un bit. Mais peut-être que, en fait, vous aviez déjà un a priori où vous savez que, bon, allez, il y avait 99% de chances que ça soit oui et 1% de chances que ça soit non. Et à ce moment-là, l'information que je vous donne, si je vous dis, bah, c'est oui, vous allez me dire, ouais, bon, bah, je m'en doutais. Et donc là, effectivement, vous avez cette notion de probabilité qui intervient subrepticement parce que la situation que je viens de décrire, celle où vous aviez une petite information a priori de nature probabiliste, entre en jeu dans la mesure de la quantité d'information que contient un message. Alors, on peut prendre l'exemple, vous allez me rappeler si vous vous en souvenez, le prénom de l'épouse très aimée, si on ne le trouve pas, ça, je vais regarder mes notes et je vais le retrouver, mais peu importe, c'était une dame extrêmement sympathique et dont il était extrêmement épris. Et un beau jour, ils étaient tous les deux et il lui dit, tiens, on va jouer à un petit jeu. Alors, on retrouve évidemment le crypto-analyste. Il lui dit, je prends un livre au hasard, toc, et il tombe sur un chandelier. Bon, il ouvre une page au hasard, il dit, bon, et maintenant, on va essayer de décrypter. Alors, quelle est la première lettre? Et il commence ce jeu-là. Et au bout d'un moment, elle va très vite. C'est-à-dire qu'il y a une telle occurrence, par exemple, en anglais, de THE, il y a une telle probabilité positive qu'on tombe sur THE, qu'on va avancer énormément. Ce qui d'ailleurs est l'opération inverse pour faire du bruit quand on crypte. Il faut faire de la redondance et mélanger, et faire des clés aléatoires, ainsi de suite. Mais là, au contraire, on décrypte. Exactement. Et là, on anticipe. C'est un peu ce que disait Martin tout à l'heure. Un livre peut être effectivement stocké sur un nombre de bits en fait assez limité, tout simplement parce que un langage, c'est pas simplement des lettres tirées complètement au hasard. Tous les tirages de lettres au hasard ne forment pas un message intelligible. Il y a des messages qui sont impossibles, qui ne veulent rien dire, donc ça ne correspond pas à une phrase d'un langage style le français ou l'anglais. Et donc effectivement, dans cette notion qu'introduit Shannon d'entropie, de quantité d'information, il fait bien garde, il prend vraiment cet exemple du langage anglais en l'occurrence, pour dire que, attention, c'est pas aussi simple que si j'ai un mot de 10 lettres, la quantité d'information, c'est pas le fait que j'ai 26 choix pour la première lettre, 26 choix pour la deuxième lettre, 26 choix pour la troisième lettre, et que donc au total j'ai 26 puissance 10 choix possibles. Non, il y en a beaucoup moins que cela. C'est ça, on réduit. On réduit énormément, et puisqu'on peut réduire, en fait, on peut transmettre de l'information de manière extrêmement efficace, on peut stocker de l'information de manière extrêmement efficace. Donc là, le mouvement réverse, c'est de dire l'anglais, grosso modo, a une moyenne statistique probable de 25%. Puis après, ça se complique, on dit 50%, et puis, d'une certaine façon, ça peut aller jusqu'à 75%, et on peut redescendre quand on veut passer des messages. Alors là, vous avez dit un mot nouveau dans notre conversation, en tout cas qu'il faut bien sûr maintenant expliciter, c'est le mot entropie. À nouveau, on se retrouve avec un parallèle avec la thermodynamique qu'on a rencontrée, et c'est loin, qu'on a rencontré avec le mouvement brownien de l'oncle Albert, si je puis dire, par familiarité. Qu'est-ce que ça vient faire, cette entropie, puisque c'est un accroissement du désordre. Alors c'est quelque chose qui, c'est étonnant, c'est-à-dire qu'il finit par définir même Shannon, l'information comme un accroissement de l'entropie. C'est-à-dire que l'information, c'est l'accroissement du désordre. C'est à n'y plus rien comprendre si on ne reprend pas les choses séparément. Est-ce que vous pouvez faire un petit peu d'ordre dans ces considérations, Joseph? Essayer de mettre un petit peu d'ordre dans ces notions d'entropie qui, en fait, naissent avant Einstein. Et donc, on peut dater ça de Boltzmann. C'est la théorie des gaz. Voilà, c'est la théorie cinétique des gaz. Ouais. Qui consiste à se dire qu'est-ce que le désordre, en fait, le désordre c'est une incertitude. Dire qu'un système est désordonné, c'est dire qu'il est incertain. Il y a plein de configurations microscopiques possibles de la position des particules de gaz, étant donné certaines quantités macroscopiques, masse, volume, température, énergie, etc. Donc en fait, l'entropie de Boltzmann est liée au nombre possible de configurations que peut prendre un système style un gaz. Qu'est-ce qu'on fait dans la deuxième loi de la thermodynamique qui fait que cette augmentation de l'entropie est absolument inéluctable ? Il ne peut y avoir qu'une tendance à l'entropie. Alors évidemment, on est des contre-exemples avec la négentropie, puisqu'on essaye d'avoir des systèmes d'ordre, on est très ordonné, en cellules, en nerfs, ainsi de suite, en muscles. Alors, quelque chose comme le théorème H de Boltzmann, si c'est à ça que vous pensez, vous décrit effectivement que un système est irréversible dans le sens où son entropie, son incertitude, son désordre augmente forcément. Donc, et on peut dire qu'on perd de l'information dans ce cas-là aussi. Hein, il perd de l'information. Ça devient de plus en plus un bruit. Oui, ça devient de plus en plus un bruit. Et maintenant, dans la théorie de l'information, peut aussi dire que qu'est-ce qu'une information ? C'est un message qui vient en fait sélectionner la configuration parmi toutes les configurations possibles. Donc plus il y avait de configurations possibles a priori, plus le message que je vous envoie contient l'information, parce qu'il fige les choses. Il réduit l'incertitude qu'il y avait au départ. Et c'est pour ça donc qu'on a ce parallèle entre l'entropie de Boltzmann, qu'on définit comme le logarithme, une certaine fonction du nombre total de configurations, et l'entropie de Shannon, qui mesure la quantité d'informations, qui est, comme je vous l'ai dit, le nombre de bits qu'il faut pour décrire un certain message. Et qu'est-ce que c'est qu'un nombre de bits ? C'est le nombre de questions binaires à quelles il faut répondre pour pouvoir décrire parfaitement le message. Donc ça veut dire, grosso modo, qu'il y a deux puissances, s'il y a n bits pour décrire un message, 100 bits, par exemple, ça veut dire qu'il y a 2 puissances 100 configurations possibles. Alors, et en fait, quand vous prenez la fameuse fonction, le log de ce 2 puissance 100, vous retombez sur 100. C'est-à-dire exactement la définition de Shannon de l'information en termes de nombre de bits nécessaires pour décrire un message. Alors, à nouveau, je relance par une certaine curiosité et je vous donne donc le contenu de mon expectative devant cette affaire. C'est que, évidemment, c'est presque biface dans ce cas-là, le message. C'est-à-dire qu'il a une part qui est lisible, ordonnée, déterminée, et puis il frôle quelque chose d'aléatoire, ou en tout cas de désordonné. Alors on tombe sur le concept de stochastique, c'est-à-dire les mouvements stochastiques, c'est un peu analogue aussi à ce qu'on appelle les systèmes dynamiques, avec l'imprécision sur les conditions initiales. Là encore, pour faire référence pour ceux qui peuvent entendre cette chose, hein, quand on essaie de savoir ce qui va se développer plus tard, et est-ce que l'antécédent va jouer de façon causale ou pas sur le précédent. Et le successif. Et donc, à nouveau, je reprends la question, pourquoi c'est stochastique ? C'est-à-dire que c'est ce mélange curieux de déterminisme, parfois, et de grande dislocation de l'autre. Est-ce que c'est le bruit ? le bruit vient jouer dans cette partition, en quelque sorte, dans le sens où, comme on le disait, tout canal de transmission va rajouter du bruit à un message. Donc, quand on parle de message binaire, ça veut simplement dire que certains des bits vont être échangés. C'est-à-dire, là où il y avait un 1, ça va devenir un 0. Là où il y avait 0, ça va devenir un 1. Et ça, c'est inévitable. En fait, même si on ne s'en rend pas compte, dans tous les canaux de transmission, il y a des erreurs qui sont commises. Dans tous les moyens de stockage, les disques durs, les mémoires flash, les clés USB, vous avez des bits qui sont mal enregistrés. Donc, il faut compenser ces erreurs. Il faut corriger ces erreurs. Donc, d'un point de vue physique, on ne peut pas y arriver. On vous pouvez pas demander à un disque dur d'un téraoctet d'enregistrer sans aucune erreur. Si vous vous adressez à un fabricant de disques durs en lui demandant ça, il va vous dire « Non, mais vous êtes fou, ça ne marchera jamais. » Donc, il faut le faire d'un point de vue numérique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que les probabilités vont vous dire, étant donné un certain niveau de bruit, une certaine proportion des bits vont être échangés. Et la question, c'est quelle est, en quelque sorte, la redondance que je vais devoir apporter à mon message pour corriger ces erreurs. Donc là, la redondance, il faut l'apporter de manière appropriée, bien, bien judicieuse. Il ne s'agit pas de répéter 36 fois le message en se disant, il y en a bien un qui va passer sans erreur. Oui. Parce que d'une part, votre destinataire va avoir 36 messages différents, il ne sait pas lequel va être le bon. Et de même, si vous faites ça, vous allez perdre en capacité de transmission un facteur 36. Vous ne voulez pas vers ça. Et en fait, ce que décrit Shannon, c'est exactement le taux de redondance qu'il faut apporter à un message pour qu'il puisse être corrigé et qu'on puisse récupérer, que le destinataire puisse récupérer l'information, enfin le message exact sans erreur. C'est ça la capacité de Shannon, c'est quelle redondance faut-il apporter à un message pour pouvoir transmettre à travers un canal nécessairement imparfait une information sans erreur. Ça, c'est la clé du second théorème de Shannon, et que vous exprimez donc par une courbe qui est tout à fait normale, et à un moment le bruit s'introduit. Alors il y a une façon évidemment d'opérer justement, et on voit très bien la limite de la redondance, c'est que une solution, ce serait d'augmenter la puissance de l'émission. Mais on arrive là aussi à une limite. Et puis, quand on sait très bien, en particulier si on utilise un circuit électrique, qu'il faut des relanceurs, si je puis dire. Le mot exact n'est pas le bon. Des amplificateurs, voilà. Il faut que, à nouveau, il y ait un rebondissement pour que d'une pichenette. Et là, il faut une augmentation de puissance. Donc, oui, mais ces amplificateurs même amplifie aussi le bruit, et donc on revient exactement sur le problème initial, que le bruit est inévitable, et que quel que soit le niveau de bruit, on a une capacité en fait limite de transmission. C'est ce que dit Shannon. Et en fait, son théorème principal, c'est vraiment une beauté d'un point de vue mathématique, mais ça a aussi un peu, en quelque sorte, les inconvénients d'un théorème de mathématiques. Si tu vous dis ce qui est possible de faire, ce qu'il n'est pas possible de faire, il vous dit, on peut transmettre de l'information jusqu'à une certaine vitesse, étant donné le niveau de bruit présent dans le canal. Au-delà, on ne pourra pas. C'est impossible de transmettre sans erreur au-delà de cette capacité. Pareil pour des capacités de stockage, on va pouvoir stocker sans erreur une certaine quantité d'informations sur un disque donné, au-delà, vous allez faire des erreurs. C'est un théorème de maths, dans le sens où il vous dit c'est possible. Il existe une solution. Dans le théorème de Shannon, il n'y a pas la solution. Il a fallu une cinquantaine d'années pour qu'on arrive finalement à trouver le bon matériel, mettre au point les algorithmes qui réalisent les codes correcteurs d'erreurs qui atteignent les capacités de Shannon, et qu'en même temps on ait les calculateurs qui soient capables de mettre en œuvre ces algorithmes. Jocelyn Garnier, prenons un tout autre exemple et puis essayons de garder une réserve pour voir comment les choses se font avec cette histoire de bruit, de messages et de théorie de l'information, en particulier dans la séismologie, parce que ça peut être intéressant. Tous les jours, l'anneau du CERN, l'anneau supraconducteur, produit des milliards d'événements. Et il faut des milliards d'événements, on pourrait même dire. Peut-être même des milliards de milliards de milliards d'événements. Non, peut-être pas quand même. Pourquoi? Je sais pas. Et dans cette espèce de masse-là, qui est donc, on va parler en termes d'information alors qu'il s'agit de trouver un élément qu'on va dire physique, pour aller vite, si on est réaliste, il s'agit de trouver le boson de Higgs. On va l'appeler comme ça, on va lui donner son nom. Eh bien, là, ça va se jouer avec la théorie de l'information, et les gens spécialistes de théorie de l'information, les ingénieurs, travaillent à essayer de comprendre ce qui ressort de cette soupe permanente qu'est le bruit, si sort un signal intelligible. Exactement. Qui soit la signature en particulier de l'énergie de la collision qu'il y a eu. Et là, on se dit, tiens, on a trouvé le boson de monsieur, de ces trois messieurs dont on ne dit toujours que le nom de Higgs. Alors, en quelque sorte, on acquiert des teras et des teraoctets de data, tout ça pour répondre à une question binaire. Est-ce que oui ou non, le boson de Higgs existe? Et ce n'est pas le seul exemple, vous citiez la sismologie. Quand les gens font des campagnes d'acquisition sismique, ils recueillent aussi une quantité de données absolument monstrueuse, tout ça pour répondre à une question assez binaire, est-ce qu'il y a ou non du pétrole là-dessous? Et ça, c'est un problème moderne, on va dire, de théorie de l'information, où on est maintenant capable d'enregistrer, de traiter des quantités de données absolument phénoménales. Or, tout ce qui nous intéresse, c'est une petite pépite qui se cache au milieu de cette mer de données, qui est essentiellement du bruit, on va dire. Et il s'agit d'extraire la substantifique moelle, l'information, qui peut se réduire effectivement à une réponse binaire. Un commentaire, Martin Andler. On est en plein dans un sujet très à la mode, le big data. C'est vraiment de ça qu'on est en train de parler. Le big data, voilà, on a des tonnes et des tonnes et des tonnes d'informations, enfin des tonnes, beaucoup plus que des tonnes. Et comment analyser, comment sortir de l'information pertinente de cette immense. C'est un sujet, c'est complètement à la mode. Oui. Et ça prouve aussi l'actualité incroyable de Shannon cette année, qui est le 100e anniversaire de sa naissance, l'année Shannon. Oui, bien sûr. Et on peut aussi donner comme autre exemple l'importance de la cryptologie. Ou par exemple, quand on connaît les inférences probabilistes qu'on peut faire à partir du fait que l'anglais, par exemple, utilise très souvent dans le langage parlé cette espèce de redondance, cette espèce de récurrence permanente du the, T-H-E, et qu'on puisse deviner, donc, dans ce cas-là. Il y a là une espèce de, une malice extraordinaire, non? Une heuristique, je sais pas le mot exact, mais en tout cas, une manière de découvrir, non? Oui. Enfin, moi, ce qui me fascine, c'est, on passe d'un truc, bien avant le numérique, il donne un cadre général de réflexion. Oui. Complètement abstrait, qui n'a aucune implémentation d'ingénieur à l'époque. C'est en avance de 20, 30, 40, 50, 60 ans. Ça fournit un cadre de réflexion qui donne des moyens aux ingénieurs. Et puis maintenant, on est de nouveau en situation, comme le font des spécialistes comme Jocelyn Garnier, de reprendre cette notion et de tirer de l'information du bruit. Il y a encore beaucoup de maths à faire. Oh oui, énormément. Enfin, probabilité. En probabilité en particulier. En réseau stochastique. Oh, oui. Bah, en fait, quand je disais qu'il a fallu 50 ans aux ingénieurs pour mettre au point les algorithmes qui permettent d'atteindre les capacités de Shannon, ces algorithmes eux-mêmes sont des algorithmes stochastiques. Ils font intervenir une partie de probabilité eux-mêmes. La décision qui est de dire tel bit vaut 0 ou tel bit vaut 1 est lui-même une décision prise sur un mode stochastique. Donc c'est très amusant de voir que les algorithmes mêmes sont devenus stochastiques. Un dernier mot. On n'a pas parlé des Bell Labs. C'est vrai, il y a des tas de choses dont on n'a pas parlé. Shannon a travaillé aux Bell Labs. Les Bell Labs, c'était donc une société, une filiale de ATT Bell Labs. Ils ont fait un travail absolument extraordinaire avec des scientifiques de premier plan, 8 prix Nobel. Bon, c'était quelque chose d'absolument extraordinaire comme fusion entre de la recherche fondamentale et puis des préoccupations d'ingénieurs. Effectivement, l'année où la découverte de Shannon de la théorie de l'information, il a publié son article fondateur en 1948. Les Bell Labs, les mêmes laboratoires, ont inventé le transistor, le composant électronique de base. Alors on mettra toutes les références, évidemment, pour cette conférence que vous allez donner. Je redonne le titre du livre de James Gleick, L'information, il faut défendre cet éditeur Cassini qui a pris le risque de traduire ce livre et de le publier, où on apprend effectivement beaucoup de choses. Voilà, on arrive au terme de ce rendez-vous de Continent Science. Merci bien sûr de votre attention et de votre fidélité. Aujourd'hui, aux manettes, Jacques Hubert, la documentation Thierry Beauchamp, Dany Journeau, à la réalisation Stéphane Delisgeorges. Comme vous le savez, Continent Science, comme toutes les autres émissions, est balado-diffusée. Si vous voulez réécouter cette émission selon votre fantaisie, selon votre état d'information, eh bien vous vous reportez au site internet franceculture.fr et là vous pouvez nous télécharger ou nous écouter pendant maintenant une grande période. Demain, à la même heure, vous retrouvez René Friedman pour les révolutions médicales. Il me reste à vous souhaiter un très bel après-midi sur France Culture.